Conte de fées en français. Pocahontas. Il était une fois, dans les forêts d'Amérique du Nord, vivait une tribu. Powhatan était le chef de la tribu et Pocahontas était sa fille. Ici, dans la jungle, beaucoup de filles cueillaient des baies et des fleurs. Pocahontas, elle, n'aimait pas faire cela. Elle restait à part et s'occupait à fabriquer un boomerang. Allez, Pocahontas, il faut être à la maison avant le coucher du soleil et ton panier est vide. Pourquoi? Je veux rester en arrière et regarder les étoiles et entendre les grillons et les hiboux. Je ne veux pas cueillir de baies. Elle lança son boomerang dans une branche et toute une grappe de baies tomba dans son panier. Les filles n'en crurent pas leurs yeux. Elle pointa une grotte dans la montagne. Ne serait-il pas génial de passer la nuit là-bas? Ce serait presque comme toucher les étoiles. Les filles ne sont pas supposées faire tout ça. Ces sortes d'aventures idiotes sont pour les garçons. Aucune fille ne peut grimper si haut. Tu aurais dû être née comme un garçon. En tout cas, tu te comportes vraiment comme tel. Pas besoin d'être née comme un garçon. Une fille peut tout à fait faire ce qu'un garçon peut faire, mais en mieux. Pocahontas quitta le groupe et courut vers la montagne. Pocahontas, reviens! Pocahontas, reviens! Pocahontas, reviens! Mais il n'y avait pas moyen de ramener Pocahontas. Elle monta la montagne et pénétra dans la grotte. Sur le rebord de la grotte, elle vit un bébé hibou apeuré qui était tombé de son arbre. Il était mort de peur. Pocahontas le ramassa. Hé, mon pote, où est ta maman? Viens ici, montre-moi ton arbre. Elle monta dans l'arbre et remit le jeune hibou dans son nid. Puis, elle s'assit sur la branche. Elle se retourna et vit le ciel. Waouh! Elle tendit la main et toucha presque les étoiles. Elle soupira. Ah. Le lendemain matin, Pocahontas fut réveillée en sursaut. Réveille-toi, Pocahontas. Est-ce que tu vas bien? Papa! Je t'ai demandé si tu allais bien. Oui, oui, je vais bien. Sais-tu combien j'étais inquiet? Un animal aurait pu t'attaquer. Il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Regarde, j'ai allumé un feu. J'étais en sécurité. Les animaux de la forêt me connaissent. Ils ne m'auraient pas fait de mal. Allez, rentre à la maison. Soudain, ils entendirent tous des bruits très forts. Powhatan demanda à ses hommes de vérifier ce que c'était. Du haut de la montagne, ils virent, tout en bas, juste à l'extérieur de leur forêt, une immense caravane de chariots, de chevaux et de gens. Leur chef s'appelait Gouverneur. Nous allons construire notre ville ici. Pour nous, cette nuit, nous camperons dans des tentes. Et demain, nous commencerons les constructions. Ok. D'accord. Entendu. Oui. À vos ordres. Powhatan et sa tribu se demandèrent qui étaient ces nouvelles personnes. Que voulaient-elles? Nous allons les surveiller de près. Leur apporter des cadeaux. Voir qui ils sont. Et peut-être que le moment venu, nous pourrons en faire une partie de notre tribu. Et je règnerai sur tous. La tribu rassembla donc des corbeilles de fruits et de noix de coco, des pots de confiture, de baies et des sacs de céréales, et se rendit au camp où séjournaient les étrangers. Vous êtes invités dans notre partie du monde. S'il vous plaît, acceptez ces cadeaux. Merci beaucoup, chef Powhatan. Acceptez notre gratitude sincère. Ainsi, Powhatan et son peuple continuèrent à faire leurs provisions pour les étrangers. Les étrangers acceptèrent leurs cadeaux et leur donnèrent des couvertures, des cordes et des choses comme ça en retour. C'était une bonne amitié, mais les deux chefs avaient autre chose en tête. Ces personnes restent autour de notre forêt, sur notre terre. Ils doivent faire partie de notre tribu. S'ils n'acceptent pas mon commandement, alors nous leur ferons la guerre le lendemain de la pleine lune. Oui, chef! Oui, chef. Oui, chef. Mais, papa! Les filles ne sont pas autorisées à parler sur ce sujet. Regardez tout le bois, les fruits et les céréales, sans parler des peaux d'animaux que nous pouvons obtenir de la forêt. Nous devons en prendre le contrôle. Nous allons leur faire la guerre le lendemain de cette pleine lune. Oui, d'accord. D'accord, chef. Oui, chef, nous le ferons. Oui, chef, nous le ferons. Pocahontas ne voulait pas que son peuple mène la guerre contre les autres simplement pour en faire des membres de leur tribu. Perdue dans ses pensées, elle se promena dans la forêt lorsqu'elle entendit des bruits près de la cascade. Pocahontas alla regarder de plus près. Le petit va mourir! Pocahontas courut pour sauver le petit. Pocahontas et John Smith furent entraînés en aval de la forêt. Pocahontas le sortit de l'eau. À ce moment-là, c'était déjà la nuit. Est-ce que tu vas bien? Oui. Ma tête me fait tellement mal. Tu as risqué ta vie pour me sauver. Tu as risqué ta vie pour sauver cet animal. Le bébé. C'était un pauvre bébé sans défense que tu as presque tué. Ce sont des choses qui arrivent. Le petit aurait dû s'échapper quand il a vu l'arbre s'abattre. Tu ne peux pas protéger tous les animaux de la forêt. Tu parles des animaux comme s'ils appartenaient à un autre monde. Comme s'ils étaient une sorte d'étranger gênant. Je ne te comprends vraiment pas. C'est la règle de la jungle, la survie du plus fort. Soudain, il vit quelque chose et dit à Pocahontas. Chut, ne bouge pas. Un cobra glissait sur le sol. John Smith ramassa une pierre et était sur le point de la jeter sur le serpent. Arrête! Elle se précipita devant lui et s'agenouilla devant le serpent. Nous ne te ferons pas de mal, mon petit, je te le promets. Si tu ne nous aimes pas, nous te laisserons en paix. Désolée, nous t'avons dérangé. Le serpent sembla prendre en compte ses paroles, puis s'éloigna. Est-ce que risquer ta vie est une sorte de passe-temps chez toi? Je m'ennuie, alors laisse-moi affronter la mort. Cela devrait être amusant. Regarde ton visage. Survie du plus apte, c'est ça, hein? Un petit serpent peut te rendre fou et tu te dis plus fort. N'importe qui peut se sentir puissant s'il a une arme. Qu'est-ce qu'il y a de courageux à ce sujet? Non, j'ai juste eu peur pour toi. Toi, tu viens de parler au serpent. Mais comment a-t-il compris ce que tu disais? Le monde entier, chaque créature, chaque feuille, chaque fleur. Toi, moi, le ciel et l'arc-en-ciel et les étoiles. Nous faisons tous partie de la même famille. Et nous pouvons tous apprendre à communiquer avec le langage de l'amour. Le langage de l'amour? Oui, le langage de l'amour. C'est que tu ne veux faire de mal à personne, que tu souhaites bonne chance à toutes les créatures et que tu respectes le droit de toutes les créatures de vivre. C'est le langage de l'amour que tout être comprend. Est-ce que tu vois la différence? Un oiseau vint s'asseoir sur l'épaule de Pocahontas. Hé, petit! Pourquoi n'essayes-tu pas? Moi? Appelle-le avec tout l'amour dans ton cœur. D'accord. Il sourit à l'oiseau d'un sourire factice et presque diabolique. L'oiseau prit peur et se cacha derrière la tête de Pocahontas et jeta un coup d'œil dehors. Viens ici, petit oiseau. Je ne vais pas te faire de mal. Eh ben non, ça marche pas. Ressens-le, vraiment du fond du cœur. Il faut vraiment le ressentir. Et John Smith essaya de rassembler tout l'amour dans son cœur. cette fois, il le pensa vraiment. Il tendit son bras avec un sourire sincère. L'oiseau le vit et vola à lui. L'oiseau siffla et beaucoup d'autres oiseaux arrivèrent. Deux couples d'oiseaux descendirent avec une couronne de fleurs chacune. C'est absolument magique! Un couple d'oiseaux arriva avec deux couronnes de fleurs. Le premier la plaça sur la tête de Pocahontas et l'autre tenta de la placer autour de la tête de John Smith. Sa couronne ne lui allait pas. Les oiseaux tentèrent de l'allonger en tirant dessus avec leur bec, mais ils ne purent pas et ils tombèrent. L'un d'eux se fâcha et ébouriffa les cheveux de John Smith. Et les oiseaux s'envolèrent. John Smith eut l'air vraiment drôle avec ses cheveux en bataille. Il vit son reflet dans l'eau et éclata de rire. De même que Pocahontas, les oiseaux aussi commencèrent à rire et s'envolèrent. John Smith voyait Pocahontas rire et il aimait ça. Silencieux, John Smith regarda Pocahontas. Tu es une belle personne. Je te remercie. Pourquoi ? Tu m'as sauvé la vie. Merci beaucoup. Oh mon Dieu ! Que se passe-t-il ? Ton peuple doit partir tout de suite. Non, vous devriez vous échapper. Nous échapper ? Oui, aujourd'hui est le lendemain de la pleine lune. Notre camp envisage d'attaquer votre tribu. Pourquoi ? Pour prendre le contrôle de toute la forêt. Et mon père qui veut intégrer votre camp à sa tribu, non ! Nous devons les arrêter. Comment ? Viens avec moi. Powhatan et les groupes du gouverneur se préparaient à la guerre. Ils étaient chacun en route pour s'attaquer. La victoire sera à nous. La victoire sera à nous. La victoire sera à nous. La victoire sera à nous. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Arrêtez! Ah! La fille de Powhatan! Mais que fais-tu ici? Je veux arrêter cette guerre! Ça n'apportera rien sinon la ruine de nos deux peuples! De votre peuple! Nous allons reprendre votre forêt! La forêt ne nous appartient pas seulement à nous les humains. Elle appartient davantage aux arbres et aux créatures de la forêt. Ils nous donnent de la nourriture et un abri. Ils nous donnent nos vies et nous ne leur donnons rien en retour. Mais alors, lorsqu'ils veulent partager leur maison avec nous, pourquoi ne pouvons-nous pas partager avec eux? Assez! Ce ne sont là que des astuces de Powhatan pour éviter la déroute. Soudain, le lionceau que Pocahontas avait sauvé vint lécher Pocahontas. Un enfant du camp du gouverneur arriva, fasciné par le petit. Le petit et l'enfant devinrent amis. Puis, un rugissement se fit entendre. Un lion sortit du bois majestueusement. Quoi ? Sauvez l'enfant ! Sauvez l'enfant ! Sauvez l'enfant ! Sauvez l'enfant ! Les habitants du gouverneur prirent leurs armes contre le lion, mais ils virent que le lionceau s'était dressé de façon protectrice devant Pocahontas et l'enfant, comme s'il communiquait avec eux. L'enfant du camp était fasciné par le lion. Il avança, toucha le nez du lion, il se mit alors à rire, et le lion se mit à sourire. Les hommes du gouverneur préparèrent leurs armes. Au même moment, John Smith arriva avec la tribu de Powhatan. Arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! Regardez comme l'homme et la bête peuvent devenir amis. Pourquoi ne peut-on pas devenir amis entre hommes? Au lieu de nous faire la guerre et de nous entretuer, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement échanger et vivre ensemble? C'est pourtant simple. Enfin, l'homme apprit que l'homme et l'homme, l'homme et la bête, doivent vivre ensemble et en harmonie pour vivre une vie paisible et joyeuse.